Bonjour, je m'appelle Ark, et je suis un rétro gamer. Pas tout à fait ce genre de rétro gamer. Voilà. Et quand je veux acheter un jeu, je vais sur Netophonix. Ouais, enfin Netophonix, c'est plus des sagas MP3. Oui, alors j'écoute des sagas rétro sur Netophonix. Ouais. Et sinon, c'est quoi une saga MP3? Vous savez, ces aventures audio avec des chaussettes et des vaisseaux. À mes temps perdus, je suis aussi un animal. Non, plutôt ce genre d'animal. Je m'appelle Ark, et je suis un rétro gamer. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes de rétro? World of Netophonix. Découvrez, téléchargez, écoutez et commentez gratuitement sur www.netophonix.com.